je m'adresse. Maria débordée de charme, la forme d'une déesse. Son regard semble à une arme, une démarche en finesse. Sa beauté nous agresse, c'est la bombe de la tête. Ce qui mène au cœur en bomba, les rushies sur les caisses. Les costards et les seuls, au poignet la Rolex. Au pied d'Olce Cabana, il saisit la tigresse. La surnomme princesse, ricanement de diablesse. Cela ne l'intéresse pas. Elle veut un gars qui l'aime grave. Pas d'un homme qui s'offre en spectacle. Elle, ce qu'elle veut, c'est de l'amour. En somme, d'un gars qui lui sèche ses larmes. Elle veut un bonhomme dans ses bras qui restera quoi qu'il en soit. Pas d'un gamin qui surveille son phone, qui agit tel un gendarme. Oh Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Oh Maria, la déesse du Costa Rica. Maria, Maria, Maria, Maria. Oh Maria, la déesse du Costa Rica. Les 4 quarts des gars l'appellent, elle ne se retourne même après 3 quarts vers centaines. Les 10 quarts sont Snapchat, les yeux arc-en-ciel, le teint caramel. Le sourire de la belle révèle la bête et ses fringues. Elle a la plage, il sort les pecs, les abdos et les dorsaux. C'est le genre de mec abonné au sport en salle, ça court derrière elle. Cela ne l'intéresse pas. Elle veut un gars qui l'aime grave. Pas d'un homme qui s'offre en spectacle. Elle, ce qu'elle veut, c'est de l'amour. En somme, d'un gars qui lui sèche ses larmes. Elle veut un bonhomme dans ses bras qui restera quoi qu'il en soit. Pas d'un gamin qui surveille son phone, qui agit tel un gendarme. Oh Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria.